Madame la directrice, chère Béatrix, merci beaucoup de cet honneur que vous nous faites de procéder à cette inauguration avec ce colloque. C'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous en remplacement effectivement de Véronique Châtenay-Dolto qui a pris récemment sa retraite et en remplacement de son successeur Nicole D'Acosta, dont j'ai craint jusqu'au dernier moment qu'elle puisse venir, car j'étais évidemment tout à fait heureux de pouvoir ouvrir ce colloque d'archéologie. Donc, je suis finalement bien content qu'elle ait eu un empêchement et de pouvoir être avec vous pour ce moment important. Alors, merci beaucoup, Madame la Directrice, car l'archéologie s'invite ainsi à Versailles. Elle est déjà présente depuis plusieurs années, mais elle montre bien que ce grand établissement est un grand établissement complet sur le plan patrimonial, à la fois monument, à la fois musée, mais aussi archives et archéologie. Toutes les sciences du patrimoine se retrouvent à Versailles et on vous le doit beaucoup. Quand j'ai regardé évidemment le contenu du colloque, je me suis aperçu de ma totale incompétence pour pouvoir le présenter. Ce sont des travaux scientifiques et c'est aux scientifiques de vous les restituer. Il y avait le terme tout de même curieux de archéologie royale. Alors, archéologie royale, à l'oreille du profane, on imagine immédiatement quelques messieurs, plutôt des messieurs, avec des grandes moustaches, qui ont parfois plutôt l'accent belge, suédois ou britannique, et qui partent à l'autre bout du monde pour y ramener les merveilles qui ont peuplé les musées du 19e siècle. C'est évidemment pas de cela dont il s'agit, mais archéologie royale, ça résonne pour nous Français par rapport au terme d'archéologie nationale. Peut-on avoir une archéologie royale et une archéologie nationale en même temps? Alors, c'est une question évidemment très politique. Le terme royal dans notre intitulé, renvoyant à une personne, à un objet, j'oserais dire à un sujet, pour faire le bon mot, le roi n'est pas un sujet. Mais c'est quand même un sujet, et non pas à un personnage important qui subventionnerait les archéologues pour faire ce travail. Archéologie royale, c'est aussi un terme intéressant, car le mot royal reste connoté très positivement. On parle de la voie royale. Alors je m'aperçois que la voie royale n'est peut-être pas la meilleure des références devant des archéologues. Néanmoins, le terme royal reste toujours très, très positif. Très positif, et il vient peut-être couvrir une inquiétude que vous avez évoquée, Madame la Directrice, sur l'archéologie moderne, l'archéologie contemporaine. Est-ce une archéologie noble? Alors, d'aucuns ont parfois dit « cette archéologie, c'est du journalisme ». On peut le reprendre. Je pense qu'effectivement, ça peut être du journalisme, si par journalisme on entend le journalisme d'investigation. Si on entend par journalisme d'investigation, justement cet effort de mise à la connaissance du public des éléments les plus difficiles à interpréter, qui sont contemporains et qui sont en grande partie masqués. Sur cette période royale, nous avons en face de nous des organes politiques puissants qui s'expriment dans un français absolument superbe, qui ont de magnifiques archives, qui vont produire de magnifiques archives, qui ont un discours qui vient jusqu'à nous et qui peut masquer la réalité d'une époque, la réalité d'une société, les masses immenses qui finalement n'écrivaient pas et étaient peu décrites, et que l'archéologie va retrouver. C'est-à-dire que s'il y avait eu ce journalisme d'investigation dans ces périodes modernes, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la Révolution française. Peut-être que nous aurions eu à ce moment-là une parfaite connaissance de la société sur elle-même et non pas ce manque de reconnaissance d'une partie de la population qui allait mener à une autre période avec évidemment une notion de nation qui vient s'imposer à celle précédente de royauté, et puis avec, à sa suite, une archéologie nationale. Donc, l'archéologie nationale, elle vient bien dans son terme d'archéologie royale, montrer comment, dans cette période, l'on peut la relire et finalement dévoiler ce qui n'est pas dans les textes, ce qui n'est pas dans les récits, ce qui n'est pas dans les romans, ce qui permet de retrouver une période que l'on croit connaître et qui, en fait, nous a été largement masquée, et pour nous, et évidemment pour les contemporains. Merci beaucoup.